Le docteur Urbino par Pierre Zakon. Chapitre 1er. 11 heures venaient de sonner. Le ciel était sombre. Une petite pluie fine tombait sans bruit. Un vent à pré-froid sifflait aux angles des chemins. La campagne était déserte. Le mois de décembre finissait. Chaque objet avait revêtu l'aspect désolé et triste de l'hiver. Dans une petite maison située à quelque distance de Strévy, dans le Piémont, un homme veillait encore. Les jambes allongées près du foyer d'une haute cheminée, le coude appuyé sur la table, une main pendante le long du corps, cet homme paraissait rêver profondément. Une suprême tristesse couronnait son front pâle, les rides soucieuses sillonnaient ses joues. Un sourire d'une amertume résignée relevait doucement le coin de ses lèvres. Il pouvait avoir 40 ans, mais on lui en eut bien donné 50. Il y avait 20 ans déjà qu'il habitait le petit village de Strévy, où il exerçait la modeste profession de médecin. Le docteur Urbino était fort connu dans les environs, et il eut pu faire en peu de temps une fortune rapide. Malheureusement, l'argent qu'il recevait du riche s'en allait tout droit vers le pauvre, de sorte que par bien des labeurs et bien des fatigues, sa maison se trouvait toujours dans le dénuement le plus complet. Mais c'était là le moindre de ses regrets. Et pourvu qu'il y eût un peu de feu l'hiver et quelques fleurs l'été, le docteur n'en demandait pas davantage. Donc, ce soir-là, il songeait. Beppa, la vieille servante grondeuse, s'était retirée, et le docteur écoutait avec une certaine inquiétude la bise siffler au loin et la pluie glisser mystérieusement le long des vitres. Que de malheureux sans-pains grelottaient à 7 heures, dans des galetas sans feu. Combien de misères sans espoir, de souffrances sans remède, de douleurs amères, de déchirements cruels. Le docteur avait choisi son chemin dans les hauteurs de la vie. Il se sentait ému et troublé à ces spectacles lamentables que la pitié évoquait. Tout à coup, il redresse la tête et se met à écouter. À travers les plaintes du vent, il avait cru démêler un cri de détresse poussé à quelque distance. Tous les bruits de la nuit étaient familiers au docteur. Il ne pouvait s'y tromper. Il se leva. À ce moment d'ailleurs, quelques coups frappés avec vivacité vinrent lui enlever ses derniers doutes et il se précipita vers la porte qu'il ouvrit. Un jeune homme entra. Ses vêtements étaient en désordre, un certain égarement se lisait dans ses yeux. À la boue qui couvrait ses bottes vernies, on devinait aisément qu'il venait de fournir une longue course. Le docteur l'examina avec une profonde attention et après l'avoir conduit jusqu'auprès de la cheminée, il se disposa à aller chez Beppa. Le jeune homme l'arrêta d'un geste et d'un regard suppliant. « Merci, monsieur, » dit-il d'une voix faible, « je me sens mieux. La chaleur de ce foyer m'a ranimé. La pluie m'avait glacé. Dans un instant, je pourrai reprendre mon chemin. »« Partir ?» fit le docteur. « Dans cet état, il le faut. Mais je ne le souffrirai pas. Voyez, vous êtes pâle. Votre main est glacée. Dieu me pardonne, jeune homme. » Voici du sang sur votre linge. Vous êtes blessé, en effet. Alors cela me regarde, et vous m'appartenez. Beppa, n'appelez pas. Pourquoi cela? Je vous en conjure. Vous l'exigez, comme vous voudrez. D'ailleurs, je puis me passer d'elle, mais votre blessure peut être grave, et il faut songer au plus pressé. Tout en parlant ainsi, le docteur s'était déjà mis en devoir d'ouvrir le vêtement qui couvrait la poitrine du jeune homme et de constater son état. L'inconnu se laissait faire sans plus répliquer. Mais il était évident, à son attitude contrainte et embarrassée, qu'il souffrait des soins dont il était l'objet. C'était un tout jeune homme, 25 ans au plus, beau, élégant, d'une nature délicate et frêle. La pâleur mortelle répandue sur ses traits ajoutait encore au charme de sa physionomie, et rien n'égalait la grâce sympathique qui émanait de toute sa personne. Cependant, le docteur avait eu le temps d'examiner l'état du blessé. Il venait de se relever en poussant un cri de surprise et presque d'épouvante. Étrange, ceci est étrange, jeune homme, murmura-t-il en appuyant son regard profond sur l'inconnu. Où avez-vous été attaqué? À 1 lieue environ. Vous êtes-vous défendu? J'étais sans armes. Et votre adversaire? Il m'avait frappé de son pistolet avant que j'eusse pu engager une lutte. Un silence de quelques secondes succéda à cet interrogatoire, auquel le blessé ne répondait qu'avec une visible émotion. Le docteur ne le quittait pas du regard, il lui avait pris le bras et comptait froidement les pulsations de ses veines. Jeune homme, dit-il alors d'une voix où vibrait un accent de sévérité, êtes-vous depuis longtemps dans ce pays ? Pourquoi cette question ? Répliqua l'inconnu, dont une vive rougeur vint colorer les joues. Parce que j'ai le droit de vous l'adresser. Comment cela ? Ah, c'est que je suis médecin, monsieur. Vous ? Et depuis 20 ans que j'exerce, j'acquis une certaine expérience, dont je me félicite plus que jamais aujourd'hui, puisqu'elle me permet de confondre l'imposture. Que croyez-vous donc ? Fit le jeune homme avec inquiétude. Je crois, poursuivit le docteur, que le drame dont vous vous dites la victime s'est accompli à plus d'une lieue de cette demeure. Je crois en outre que vous avez été frappé à distance et au moment peut-être où vous escaladiez un mur de clôture, puisque la blessure a été évidemment faite de bas en haut. Je crois enfin que l'arme qui a fait cette blessure n'est point un pistolet comme vous le prétendez, mais bien un fusil de chasse, et je n'en veux pour preuve que cette balle, qui après avoir traversé les chairs, est allée se loger dans l'épaisseur de votre pardessus. Tout cela est-il vrai, monsieur ? C'est vrai, répondit le blessé. Dans quel but cherchez-vous donc à me tromper ? Le jeune homme tendit ses deux mains au docteur avec un attendrissement communicatif. Pardon, monsieur, dit-il d'une voix émue. Si j'avais cru tout d'abord que je parlais à un médecin, je n'aurais rien caché de la vérité. Pourquoi cela ? Parce qu'il y a certaines heures suprêmes où le médecin devient un confesseur, et que je n'aurais pas craint de confier à un homme de votre profession le secret qui me fait aujourd'hui votre hôte pour quelques instants. Le docteur ne répondit pas tout d'abord. Il considérait le blessé d'un œil moins sévère et suivait avec intérêt l'altération progressive qui se manifestait sur ses traits. « Docteur, reprit bientôt ce dernier, la blessure que j'ai reçue est-elle grave ?»« Très grave, jeune homme. Il y a du danger, n'est-ce pas ? Peut-être. Et je vais être contraint à un repos absolu pendant quelque temps. Cela me paraît indispensable. » Le jeune homme réprima un mouvement d'impatience et un voile de tristesse couvrit son visage. « Je m'en doutais, » murmura-t-il avec dépit, « cela devait être. C'était trop de bonheur aussi. Malheur à moi. Et cependant, la science doit avoir des remèdes héroïques pour les situations extrêmes. Écoutez-moi, monsieur. Vous êtes homme d'honneur. Vous me comprendrez. Demain, à 7 heures, il faut que je sois debout, sans souffrance apparente, le visage souriant, le front sans pâleur. Demain, il faut que je parle, que je marche, que je danse même peut-être. Demain, enfin, entendez-vous, docteur, il faut que nul ne puisse se douter qu'une balle a déchiré ma poitrine cette nuit, afin que dans quelques jours, la cause réelle de ma mort puisse être cachée à tous, et qu'en partant, je sois certain au moins de ne laisser derrière moi ni honte ni désespoir. » Pendant que le jeune homme parlait, le docteur l'écoutait avec gravité, et quand il se tut, il remua la tête d'un air paternel et doux. « C'est bien, dit-il, je vous comprends et je vous approuve. Mais permettez-moi une observation, jeune homme, une seule, laquelle ? Vous êtes jeune, 25 ans. Vous avez votre mère encore, c'est vrai. L'entreprise que vous voulez tenter est dangereuse et Dieu seul peut en prévoir les conséquences. Je le sais. C'est la mort, peut-être. Pauvre mère. Vous n'y avez pas songé, sans doute. Mais que faire alors ? Que faire ? Il y eut un moment de silence, pendant lequel le jeune homme, éperdu de douleur et de désespoir, prit sa tête dans ses mains et pleura comme un enfant. C'est en vain que le docteur tenta de le calmer. On eût dit qu'il n'avait plus la conscience de ce qui se passait à ses côtés. Et il ne répondait que par des monosyllabes sans suite à toutes les paroles qui lui étaient adressées. « Voyons, dit enfin le docteur, l'heure se passe, la nuit avance, il faut que vous preniez du repos. Mais demain, monsieur, demain, je réponds de vous. Je pourrais partir. Oui, vous pourrez partir et figurer comme les autres invités à la fête splendide que donne à sa campagne le comte Hercule de Monteleone. » À ces mots qui étaient toute une révélation, l'inconnu poussa un cri effaré. « Que dites-vous » s'écria-t-il avec effroi. « Vous connaissez le comte ?»« On le dit fort jaloux. » « Oh, plus bas, plus bas !» Et comme le docteur souriait doucement, le jeune homme ajouta en baissant la voix. « Il la tuerait, savez-vous, peut-être. » « J'étais insensé, c'est ma folie à moi. J'ai pris pour de l'amour une marque de sympathie, un regard, un sourire, rien peut-être. » « Je l'aime tant, docteur. Il faut que tout le monde ignore, n'est-ce pas ? Que je meure, moi, qu'importe, mais elle, elle, si pure, si belle. Tenez, hier, elle a laissé tomber son bracelet. On est jeune, la vanité nous grise facilement. J'ai cru à une promesse. Le comte partait pour la chasse, le soir même. J'ai ramassé le bracelet, puis, cette nuit, nuit fatale. J'ai voulu le lui rapporter. Ah, vous avez tout deviné, docteur. Mais pour l'amour d'elle, si vous la connaissez, par pitié pour moi, si vous ne l'avez point encore vue, que ce secret meure entre nous deux. » En parlant ainsi, l'inconnu s'était insensiblement affaibli. Son visage avait pâli davantage encore. Le docteur s'approcha de lui aussitôt, comme il vit qu'il allait s'évanouir de nouveau. « C'est le confesseur qui vous a écouté, jeune homme, » lui dit-il. « Le docteur ne sait rien de ce que vous avez dit. Reposez en paix. »